à tous ceux qui ont deux enfants et donc 84 repas à préparer par semaine. Et à ceux qui pensent que les mois ne devraient faire que 25 jours, parce qu'on se passerait bien des fins de mois, non? En ce moment, Intermarché bloque le prix d'une sélection de fruits et légumes, comme le filet de 4 kg de pommes de terre de consommation Origine France à seulement 1,79€. Soutenir votre pouvoir d'achat, c'est aussi ça être producteur et commerçant. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 28 février, soit 45 centimes le kilo, avec traitement anti-germinatif, différentes variétés selon approvisionnement, calibre 35-65 mm, catégorie 2. Cela fait à peu près une soixantaine d'années que la communauté astrophysique s'est mise d'accord sur un modèle de formation de l'univers. Ce modèle, vous le connaissez, c'est le Big Bang, un modèle qui découle principalement de la relativité générale d'Einstein ainsi que de l'observation de l'expansion de l'univers et qui prévoit de façon assez précise le déroulement de la création de toute chose jusqu'au présent 13,8 milliards d'années plus tard. C'est cette frise chronologique que nous proposons de remonter aujourd'hui jusqu'à sa limite, non pas l'instant zéro qui n'a pas vraiment de sens, mais jusqu'à l'ère de Planck, soit 10-43 secondes avant le Big Bang. Y avait-il un avant ce mur ? Ère de Planck, la physique droit dans le mur, c'est le programme théorique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour remonter jusqu'au tout début donc de l'univers et comprendre ce qui bloque à cet endroit, s'il est envisageable un jour de dépasser ce mur de Planck ou s'il s'agit d'une frontière absolue, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Marc Lachiezeray. Bonjour. Bonjour. Astrophysicien, théoricien, cosmologue, directeur émérite de recherche CNRS en astroparticules et cosmologie, et François Bouchet, bonjour. Bonjour. Directeur de l'Institut d'astrophysique de Paris, co-responsable de l'expérience Planck et co-leader de l'instrument HFI de ce satellite dont vous nous parlerez tout à l'heure. Mais avant de plonger aux racines de notre passé, on reste dans le présent de l'actualité scientifique du jour avec le Journal des Sciences et Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence avec un point sur l'épidémie de Covid-19. Après la course au vaccin, voici la course pour les améliorer face aux variants non pas britanniques mais sud-africains. Oui, plusieurs laboratoires ont confirmé qu'ils travaillaient déjà à réactualiser leur vaccin pour qu'il reste efficace contre B1351, le variant sud-africain. En Afrique du Sud, il représente 90% des nouvelles contaminations et on craint qu'il continue de se répandre à travers le monde. On sait qu'au moins deux vaccins fonctionnent moins bien contre cette souche. C'est le cas du vaccin à dose unique de Johnson & Johnson. Lors de l'essai clinique, il s'est montré efficace à 72% aux États-Unis contre 57% en Afrique du Sud. Et pour l'essai clinique de Novavax, les résultats sont similaires. Alors certes, ces vaccins sont moins efficaces contre B1351, mais ils fonctionnent tout de même. Quant au vaccin d'Oxford-AstraZeneca, une prépublication semble montrer qu'il ne protégerait pas du Covid-19 provoqué par cette souche. La course est donc lancée. Le gouvernement britannique affirme que des travaux sont en cours. Oxford AstraZeneca ont déclaré qu'une version modifiée de leur vaccin pour être efficace contre ce variant pourrait être prête à l'automne. Voilà, et on vous met toutes les études hein, qui sont liées au Covid pour être tenues informées en temps réel. Vous pouvez nous suivre sur notre fil Twitter @laméthodefc ainsi que sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et on passe au bref. L'Organisation mondiale de la santé a présenté ce matin les résultats préliminaires de son enquête à Wuhan. L'équipe internationale de l'OMS a passé 4 semaines sur place à enquêter sur l'origine du SARS-CoV-2. On ne sait toujours pas quelle est l'origine de ce virus. La transmission depuis un animal est l'hypothèse la plus probable, mais l'espèce à l'origine de l'émergence de ce virus n'a pas encore été identifiée. Il faut encore un peu plus de temps, déclare l'OMS. Et sans grande surprise, la théorie d'un virus qui aurait fuité d'un laboratoire a été jugée hautement improbable par les experts. Les performances du détecteur d'ondes gravitationnelles Virgo ont été améliorées. Et depuis avril 2020, Virgo est à l'arrêt, mais il devrait redémarrer en 2022 sous le nom de Advanced Virgo+. Le détecteur a reçu un nouveau laser, plus puissant, pour augmenter sa sensibilité. Ce changement de laser, c'est pour multiplier le nombre de photons dans l'interféromètre afin de le rendre plus précis. Lors des derniers essais, Virgo a doublé sa puissance lumineuse. Il recevra prochainement un nouveau système optique. En 2022, il pourra donc étudier les fusions d'étoiles à neutrons deux fois plus lointaines avec deux fois plus de précision. Et enfin, selon une étude parue dans PNAS, les hormones humaines changent avec les saisons. Oui, comme d'autres mammifères, les humains aussi possèdent une horloge saisonnière interne. C'est ce que montrent les résultats de cette étude de grande ampleur. Une équipe israélienne a analysé les examens sanguins de 3,5 millions de personnes, des hommes et des femmes de 20 à 50 ans, sur plusieurs mois et sur plusieurs années. Il se trouve que les taux hormonaux s'inscrivent dans des schémas saisonniers. Les hormones de l'hypophyse, qui régulent le métabolisme, la reproduction ou le stress, ces hormones atteignent leur apogée à la fin de l'été. Et nos hormones sexuelles et thyroïdiennes ont un pic, elles, à la fin de l'hiver ou au printemps. Les mécanismes qui entraînent cette horloge circannuelle restent encore inconnus. Ce qui me permet de comprendre pourquoi j'ai envie de reprendre 4 fois de la raclette tous les jours en ce moment. Merci beaucoup Natacha, et on vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences. Autant le Big Bang est aujourd'hui un modèle accepté, enseigné et bien intégré dans la culture générale, autant lorsque l'on commence à s'y pencher d'un peu plus près, il continue de présenter des obstacles conceptuels ou épistémiques assez copieux. Et en effet, comme le soulignait notre camarade Étienne Klein, si le Big Bang a été si facilement accepté par le grand public, ce n'est peut-être pas tout à fait étranger à sa proximité avec le fiat lux des textes sacrés. Il n'est de fait pas très compliqué de se représenter une grande explosion initiale de laquelle jaillissent énergie, matière, lumière, puis galaxies, étoiles, etc. Or, ce n'est évidemment pas du tout ce qu'est le Big Bang, et à vrai dire, qu'est-ce que c'est qu'exactement d'ailleurs le Big Bang ? Parler d'instant zéro est inapproprié, puisque le temps n'existe pas. Peut-on pour autant parler de commencement ? S'agit-il d'un rebond ? Pour savoir cela, il faudrait remonter au-delà du mur auquel se heurte la physique, le mur de Planck, soit les infimes premiers instants de l'univers, à 10⁻�43 secondes après le Big Bang. C'est un temps ridiculement petit. Peut-on envisager ce qu'il se passe avant ce temps ? C'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui. Mais on commence par un retour 60 ans en arrière, à l'époque où l'on commence tout juste à accepter que l'univers n'est pas fixe de toute époque. C'est notre archive du jour. The problem of investigating the variation of density of the galaxies. Depuis de nombreuses années, on a essayé, à l'aide de télescopes optiques, d'étudier le problème des variations de densité des galaxies. Malheureusement, avec le télescope optique géant du Mont Palomar, il a été impossible d'aboutir à des conclusions probantes sur les deux théories concernant la formation de l'univers. Les radiotélescopes permettent de détecter des galaxies à des distances beaucoup plus considérables. Et grâce à notre nouveau radiotélescope géant à Cambridge, nous pensons que nous pouvons détecter des galaxies à des distances peut-être deux fois supérieures à celles atteintes par les télescopes optiques. Au cours de nos observations depuis 2 ans, nous avons trouvé que la densité des galaxies semble augmenter progressivement à mesure que les distances deviennent de plus en plus grandes. Cette découverte est tout à fait incompatible avec les théories sur la création continue. Les résultats de nos travaux suggèrent donc que l'univers est en évolution et que la densité de la matière en présence dans l'espace diminue continuellement. Nous estimons que nos observations nous ont fait remonter 8000 millions d'années dans le passé. Notre radiotélescope à Cambridge est beaucoup plus puissant que celui de Jodrell Bank, il est environ 20 fois plus puissant. Évidemment, nos travaux ne couvrent qu'un aspect du problème. Nous avons éliminé une théorie sur la nature de l'univers, mais il y en a beaucoup d'autres qui concernent la manière dont l'univers évolue avec le temps. Et il y a maint problème que la radioastronomie pourra, je l'espère, résoudre un jour. Voilà la voix du radioastronome britannique Martin Ryle, prix Nobel de physique en 1974. Peut-être une réaction. On est en 1961 au cours de cette archive. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Marc Lachaiserey. Oui. Alors, ça n'est pas cette découverte par Martin Ryle qui a consacré l'acceptation des modèles de Big Bang. Et d'ailleurs, pour corriger peut-être ce que vous avez dit tout à l'heure, le fait que ces modèles ressemblent au Fiat Lux n'a pas aidé à leur acceptation, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que ces modèles ont été refusés par une grande partie de la communauté parce qu'ils ressemblaient trop au Fiat Lux. Et justement, à cause de ce refus, a été proposé par plusieurs astrophysiciens britanniques un modèle concurrent qui s'appelait le modèle stationnaire. Et ce modèle ne présentait pas cette analogie avec le récit biblique, disons. Et pour cette raison, dans les années qui vont à peu près jusqu'à 1960, l'enthousiasme, si vous voulez, allait plutôt du côté de ce qu'on appelle ces modèles stationnaires plutôt que le Big Bang. Et la découverte de Martin Ryle, c'est-à-dire la mesure de l'évolution de la densité des galaxies, a porté un coup fatal à ces modèles d'univers stationnaires, qui ont donc été abandonnés à cet instant, et donc ne sont restés en lice que les modèles qu'on appelle aujourd'hui les modèles de Big Bang, mais ils n'ont pas encore été acceptés. Il a fallu attendre l'année 1964-65, avec la découverte du fond diffus cosmologique que François connaît bien, et donc il va nous parler évidemment, et c'est vraiment cette découverte qui a consacré les modèles de Big Bang, parce que c'est quelque chose, la présence de ce rayonnement et ses propriétés très précises qui ont été observées par la suite par différents instruments ne peuvent trouver aucune autre explication que celle des modèles de Big Bang. Alors justement, François Boucher, peut-être un mot là-dessus, puisqu'on va parler de cette rétrochronologie de l'univers jusqu'au Big Bang. À partir de quand est-ce qu'elle est vraiment complètement établie, cette chronologie, puisqu'on va voir qu'elle est extrêmement précise. Là, on parle, Marc Lachaiserey va parler du fond diffus cosmologique, on est 380 000 ans après le Big Bang, mais après on va remonter vraiment dans les minutes, dans les secondes, et même dans les fractions de secondes avant le Big Bang. Quand est-ce que ce modèle-là, finalement, finit par s'imposer dans la communauté astrophysique? Alors, je ne vais peut-être pas prendre un point de vue d'historien, mais d'abord, je vais rappeler quelques points divers. Marc dit qu'il y a des propriétés du rayonnement cosmologique de fond qui ont convaincu. Ces propriétés sont d'abord au titre de deux. Le fait que ça soit l'isotropie, c'est-à-dire la même intensité dans toutes les directions, donc ce qui empêche de plaider pour une origine locale ou dans une collection d'objets. Et puis, par ailleurs, le fait que ça correspond tout à fait, la distribution en énergie de ce rayonnement, ou en fréquence, si vous préférez, ou en couleur, correspond exactement à ce qui est attendu pour un rayonnement qui aurait été en équilibre, qu'on appelle thermodynamique, avec le reste de la matière. C'est ce qu'on appelle une courbe de Planck. Mm-hmm. Il écrit tout ça. Et donc ça correspond exactement à ce qui était attendu, et c'est très difficile de l'obtenir par d'autres moyens. Donc ça, c'était l'effet de basculement dont parlait Marc Lachaiserey il y a quelques instants. Alors, ça, c'est une première chose. Mais ce rayonnement a d'autres avantages. Il nous permet aussi, quand on regarde avec une capacité à détecter de très faibles contrastes, on se rend compte que, en fait, il n'est pas tout à fait isotrope. Il y a des petites variations en fonction de la direction. Et donc ça, on s'est très vite rendu compte, on a compris que ça, c'était même attendu, que ça devait être, en fait, la trace des grumeaux primordiaux, c'est-à-dire des toutes premières variations de densité qui allaient pouvoir, au cours de l'histoire de l'univers, se développer pour fabriquer les étoiles, les galaxies, tout ça. Donc ça, on a donc une trace très directe observationnelle de ce qui se passe à une époque qu'on va appeler T égale 380 000 ans. Et je vais maintenant essayer de faire ce rétro-voyage avec vous pour vous parler de ce qui est établi et de ce qui l'est moins, si vous le souhaitez. Alors, on va tout à fait le faire, François Boucher, mais on va le faire ensemble et puis on va le faire à deux voix parce que c'est assez intéressant. Et surtout, on va essayer de comprendre comment et grâce à quels indices on peut arriver à ce modèle aussi précis de fabrication de l'univers à partir du Big Bang. On va en parler dans un instant. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15, nous parlons donc du mur ou de l'ère de Planck, c'est-à-dire les tout premiers instants juste après le Big Bang. Nous en parlons avec Marc Lachaiserey et François Boucher. On en est à 380 000 ans. On va remonter la chronologie avec vous. Ben, François Boucher, je vais vous redonner la parole. 380 000 ans, donc, fond diffus cosmologique. Qu'est-ce qui se passe exactement et quelle est l'étape d'avant? Alors, ça, c'est le moment où l'univers devient transparent, c'est-à-dire où, en fait, les photons, les grains de lumière arrêtent d'interagir avec le reste de la matière. Bon, vous pouvez vous imaginer ça un peu comme la surface du Soleil. On voit des taches. Ben, en fait, le fond du ciel a des taches. Et ces tâches vont nous permettre de traduire, en fait, d'avoir des idées sur ce qui s'est passé avant ces interactions du rayonnement avec la matière. Et en fait, la théorie actuelle fait remonter tout droit jusque à des époques qui ne sont pas tout à fait l'ère de Planck, mais peut-être un facteur 1000 en énergie en dessous. Ça correspond quand même à des échelles d'énergie qu'on va appeler 10 puissance 15 gigaélectronvolts, des énergies colossales, pas tout à fait celles de Planck. Et on imagine, c'est une théorie qui était initiée dans les années 80, on imagine qu'il y a une période d'inflation très très rapide de ce qui est, à l'époque, n'a pas encore ni matière ni rayonnement. On pense que c'est tout simplement l'énergie du vide, mais d'un vide quantique, un vide un peu particulier, qui, quand il remplit l'univers, avant même matière et rayonnement, va induire une période d'inflation exponentielle. Voulant simplement dire, c'est le terme consacré pour dire une expansion extraordinairement rapide. Et l'idée qui est dans cette théorie-là, qui est dont je vais dire quelques mots par ailleurs, c'est que à la fin de cette période-là vont être créées toutes les particules, la matière, le rayonnement, et c'est en fait les conditions initiales de ce qu'on imaginait autrefois, le modèle de Big Bang Show, disons standard. Alors, pourquoi on pense que cette théorie d'inflation est une bonne théorie, un bon modèle? Tout simplement parce qu'elle fait tout un tas de prédictions qui se sont avérées correctes quand on a pu entreprendre de les vérifier. Et la meilleure entreprise à cet égard, pour le moment, c'est le satellite Planck qui vient de se terminer, qui a montré que, eh bien, effectivement, la distribution des tâches, leur contraste relatif et tout un tas d'autres propriétés étaient exactement ce qui était attendu dans les modèles d'inflation, ce qui, évidemment, leur donne pas mal de poids, puisque ce sont des modèles prédictifs. Néanmoins, ce sont des modèles, c'est une classe de modèles, et elle ne fait pas totalement l'unanimité. Pour une raison très simple, c'est qu'elle est un peu comme un cautère sur une jambe de bois, au sens où on postule, un vide d'une certaine propriété, un vide quantique, mais simplement, on le raccroche mal à tout le reste de la physique. Et donc, inéluctablement, des gens vont poser des questions en disant, mais est-ce que finalement, il n'y aurait pas d'autres manières d'obtenir ces prédictions-là? Finalement, comment, à l'issue d'un univers décrit tel qu'on l'imagine à peu près au temps de Planck, que nous n'avons pas encore complètement défini. Mais ce qu'on va faire dans un instant. Comment va s'engendrer cette inflation? Je suis sûr que... Alors, voilà. Et donc, c'est là qu'il va y avoir des gens qui vont dire, par exemple, il y a plusieurs théories possibles pour aboutir à ça, y compris des périodes où on imagine une phase antérieure de l'univers en contraction, où l'univers va rebondir. Alors je vous arrête François Bouchet. Arrête parce que on va venir à ça. D'abord j'aimerais qu'on continue un peu à décrire pour nos auditrices et nos auditeurs, parce qu'on est passé très très vite du fond diffus cosmologique à l'inflation qui se passe. Je vais donner des ordres de grandeur et vous me corrigez l'un et l'autre si jamais je me trompe, mais on est dans des temps infinitésimaux après le Big Bang. L'inflation, on est à 10-33, 10-36 secondes, si tant est que ça a du sens, et on reviendra là-dessus aussi, de définir ce temps après le Big Bang. Peut-être, Marc Lachaiseret, on pourrait refaire un peu plus une rétrochronologie depuis le fond diffus cosmologique pour comprendre finalement étape par étape comment la matière va se former jusqu'à ce temps qui devient le temps indépassable du mur de Planck. Bien sûr. Donc, la chronologie, si vous voulez, on la reconstitue en partant d'aujourd'hui et puis en essayant d'aller le plus loin possible dans le passé. Mais évidemment, on a plutôt tendance, si on veut se faire comprendre et si on veut vulgariser les choses d'une manière qui a du sens, de redonner le récit dans le sens d'écoulement normal. Alors, François nous a parlé de l'inflation et il a bien mentionné que tout le monde n'était pas d'accord. Et c'est vrai que moi, je suis un de ceux qui n'y croient absolument pas. Et François a utilisé le terme modèle d'inflation. Une des raisons pour lesquelles je n'y crois pas, mais c'est pas la seule, c'est que je pense qu'il n'y a pas de modèle d'inflation. C'est-à-dire que l'idée d'inflation repose sur l'existence de quelque chose qui accélérerait l'expansion de l'univers d'une manière très violente, quelque chose que bien souvent on imagine comme étant l'énergie du vide, entre guillemets, mais je mets ce terme entre guillemets parce que dans la physique d'aujourd'hui, il n'y a absolument rien de tel et on n'est pas du tout sûr que ça puisse exister. Bon, mais je ne voudrais pas qu'on passe trop de temps sur l'inflation parce que c'est un épisode, disons qu'il y a les versions de Big Bang avec inflation, il y a les versions de Big Bang sans inflation, on peut comparer leurs mérites, mais elles ont quand même des points communs qui sont peut-être la partie la plus intéressante en laissant cette question très spéculative en dehors pour le moment. Donc, quand je raconte l'histoire de l'univers, donc disons depuis ce fameux instant de Planck qui est le plus loin où l'on peut remonter jusqu'à aujourd'hui, ça s'écoule sur environ 14 milliards d'années, et j'aime bien utiliser la métaphore d'une adolescence ou d'une jeunesse de l'univers pendant ses premiers 380 000 ans, c'est-à-dire jusqu'au moment qu'on appelle le découplage ou la recombinaison, justement le moment qui correspond à la création, entre guillemets, parce que ce n'est pas tout à fait le mot qu'il faut employer, mais enfin, peu importe, à l'apparition du fond diffus cosmologique. C'est-à-dire ce fond diffus cosmologique dont on a parlé et qu'on observe aujourd'hui, notamment par le satellite Planck dont s'est occupé François, eh bien, on fait remonter son origine à ce moment de la recombinaison, c'est-à-dire 380 000 ans après l'ère de Planck ou Big Bang, enfin ce qu'on appelle aussi quelquefois l'instant zéro, peu importe, on en reparlera tout à l'heure. Bien sûr. Et ça représente une transition extrêmement importante dans l'histoire de l'univers. C'est-à-dire que dans la période qui précède et qu'on peut appeler l'univers primordial, l'univers était extrêmement différent de ce qu'il est aujourd'hui, notamment dominé par le rayonnement électromagnétique qui était très, très intense et très énergétique. Et ce qui s'est passé à cette période, et ce qu'on appelle le découplage, et François l'a mentionné, c'est que la matière qui était à cette époque encore essentiellement de l'hydrogène, et le rayonnement électromagnétique, que vous pouvez appeler les photons si vous voulez, se sont découplés, alors qu'avant ils étaient intrinsèquement liés. Et ce découplage a eu une double conséquence, qui est qu'une fois passé ce moment, donc une fois rentré, disons, dans l'adolescence, l'univers a eu deux histoires, pas complètement découplées, mais presque découplées. D'un côté, le rayonnement a poursuivi son cheminement tout seul, presque sans s'occuper de la matière. Bon, ce presque est important, oui, parce que François nous dira pourquoi, et parce qu'il y a énormément de détails de ce rayonnement qui ont été imprimés par la matière, mais en première approximation, il est resté tel qu'il était à ce moment-là, sauf qu'il s'est refroidi à cause de l'expansion, et on l'observe à peu près tel quel. C'est-à-dire qu'en première approximation, quand on observe ce rayonnement diffus cosmologique, c'est l'image de l'univers tel qu'il était à cette période. Donc ça, c'est le premier côté, et ce rayonnement s'est découplé de la matière. La matière, de l'autre côté, a commencé une nouvelle histoire, et cette histoire, c'est le début de la formation des étoiles et des galaxies. Parce que cette matière, évidemment, elle est soumise à sa propre gravitation, qui fait que localement, elle a tendance à s'effondrer pour former les étoiles, les galaxies. Mais avant cette période de recombinaison, pendant que l'univers était dans sa phase primordiale, elle était empêchée de se contracter. François nous a dit que l'univers était non pas transparent mais opaque, et c'est exactement le même phénomène qui fait que cette opacité due au couplage entre le rayonnement électromagnétique et la matière jouait aussi le rôle d'empêcher la matière de se condenser. Donc tout d'un coup, la matière a été libérée du rayonnement et elle a pu commencer ce très long processus qui, pendant les 13 milliards d'années un peu plus qui ont suivi, a conduit à l'apparition des premières étoiles, des premières galaxies, avec plusieurs générations d'étoiles, de galaxies. Et là, on rentre dans le cadre de la physique des étoiles et des galaxies, qui est quelque chose d'extrêmement intéressant, mais qui sort un petit peu du cadre de la cosmologie globale. Donc ça, c'est la période, disons, adulte de l'univers, après la recombinaison. Et évidemment, on est très curieux et on a envie de savoir ce qui s'est passé avant. Évidemment. Juste la limite qu'a donnée François, qui est que tout ce qui s'est passé avant, on ne peut pas le voir directement avec des ondes électromagnétiques, ni optiques, ni radio, ni X, ni gamma, ni quoi que ce soit de ce genre, justement parce que l'univers était opaque et non pas transparent. Donc, soit on va l'observer autrement que par du rayonnement électromagnétique, aujourd'hui on commence à avoir accès à des ondes gravitationnelles, soit on va l'observer par la trace que tous ces phénomènes réels ou hypothétiques ont pu laisser sur le fond diffus cosmologique et que François examine quand il analyse les données du satellite Planck. Et dont on parlera tout à l'heure. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on a une chronologie qui est une chronologie assez précise, c'est-à-dire fond diffus cosmologique. Ensuite, si on regarde de manière un peu pragmatique, on a des échelles, et on en trouve à peu près partout, très très claires, qui nous disent que, trois minutes après le Big Bang, il se passe ceci, que à un moment donné, les quarks commencent à s'assembler, on est à tel temps. Ensuite, il y a l'air électrofaible entre 10-36 et 10-12. Je veux dire, on a établi une chronologie qui me paraît extraordinairement précise, et j'aimerais comprendre comment on en arrive à cette chronologie et comment est-ce qu'on peut postuler finalement point par point l'élaboration de la matière telle qu'on la connaît, en tout cas de la matière hadronique, avec une telle précision, y compris dans la description de l'inflation qui serait entre 10-33 et 10-36 secondes après le Big Bang. Quelle est la théorie qui soutient finalement une précision dans cette chronologie pied à pied, fraction de seconde par fraction de seconde, jusqu'au mur de Planck, François Bouchet? Alors, je pense qu'il faut essayer de réfléchir, de repenser à comment s'élaborent ces connaissances. Alors, d'abord, on fait une hypothèse assez hardie, c'est que, en gros, y compris dans l'univers primitif, les lois physiques telles qu'on les connaît fonctionnent pareil. Et donc, on va dire, ah ben voilà, en fonction d'un certain nombre de postulats qu'on va supposer, du genre l'univers est globalement homogène et isotrope, c'est les lois de la physique standard, etc., on se dit, ben voilà, dans telles conditions, voilà comment les choses se développent. Ça aboutit à des prédictions, et ces prédictions, à ce moment-là, on peut comparer le modèle qui est fait d'hypothèses, notamment sur le fonctionnement des lois, à des observables. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, on s'est rendu compte qu'en utilisant ce qu'on comprend de la théorie nucléaire, et en supposant un milieu quasiment homogène et contenant que de l'hydrogène, on pouvait aboutir à prédire, dans un univers en expansion, donc c'est toujours le modèle, des abondances nucléaires qu'on devrait observer, et le mouvement corrélatif, c'est les observateurs qui vont aller observer des étoiles, etc., et essayer de déduire quelle était, avant l'évolution de l'étoile, l'abondance primordiale. Et donc, quand ça colle, on se dit « Ah, j'ai un bon modèle ». Identiquement, on peut essayer de comprendre ce qui se passe quand la période de l'univers est opaque. Donc, on a dit c'était égal à 380 000 ans. Bah, en fait, avant, les lois de la physique sont tout à fait appropriées pour décrire, pour l'essentiel de ce mouvement, ce qui se passe. Parce que, en fait, un milieu qui contient de l'hydrogène ionisé et du rayonnement en interaction se décrit très bien comme un fluide. Mmh. Le fluide, en fait, on peut comprendre ce qui se passe. Si vous mettez des grumeaux primordiaux, ils vont osciller comme des ondes acoustiques dans ce milieu-là. Et donc, on est capable, avec énormément de précision, de calculer l'évolution temporelle dans ce milieu-là, disons, de grumeaux primordiaux. Et donc, de voir quelles vont être leurs empreintes, indépendamment de la théorie qui est sous-jacente pour expliquer comment ils ont été formés, on va pouvoir déduire quelle est leur empreinte sur le fond de rayonnement cosmologique, c'est-à-dire ce qu'on mesure sur le fond du ciel. Et le point qui est très très important, c'est que pendant toute cette période, on pense que l'influence de ces grumeaux est telle que ce sont de toutes petites fluctuations microscopiques. Et donc, ce qu'on sait faire, c'est utiliser ce qu'on appelle des théories linéaires, c'est-à-dire des théories simplifiées, où on sait faire les mathématiques. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que dans le milieu qui est avant T égale 380 000 ans, une très grande partie peut être décrite par les lois de la physique classique. Et on sait, parce qu'on est dans un régime qui est où les mathématiques sont relativement simples, relier des conditions très tôt dans l'histoire de l'univers, qu'on va appeler primordiales, à ce qu'on observe. Et inversement, on est capable de faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on peut relier ce qu'on observe à ce qu'on doit déduire, sous l'hypothèse des lois de la physique, sur les conditions primordiales. Donc c'est exactement ça qu'on fait. Et donc ce qu'on découvre, c'est que ce qu'on déduit du rayonnement cosmologique, c'est des choses qui sont complètement compatibles avec un paradigme qui est celui de l'inflation. Mmh. Mais évidemment, c'est compatible, ça ne veut pas dire qu'on a démontré l'inflation. Il est tout à fait possible que des théories alternatives puissent un jour proposer une revisite de l'explication des faits. Néanmoins, ce qui est bien solide et établi, c'est ce qu'on observe sur le fond du ciel avec, par exemple, le satellite Planck. Et c'est aussi bien établi ce qu'on peut avoir comme évolution pendant toute une période de cet univers primitif. Donc voilà, j'espère que ça recadre un petit peu. Donc évidemment, on n'observe pas l'inflation ou quelque autre phénomène. Mais contrairement à Marc, ce que je pense, c'est qu'à l'heure actuelle, le paradigme de l'inflation ou la proposition explicative est pour le moment ce qu'on a de mieux à se mettre sous la dent. Et les critiques se contentent de critiquer, mais ils n'ont pas grand-chose à proposer. Alors, on va pas faire le débat autour de inflation ou non-inflation, puisqu'on avait déjà consacré une émission entière à la question de l'inflation, et on vous a d'ailleurs mis tout à l'heure, il y a quelques instants, le lien sur notre fil Twitter. J'aimerais qu'on arrive tout de même à ce fameux mur ou à cette fameuse aire de Planck. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est que cette limite ? D'où elle vient, Marc Lachaiseraie, cette limite de dire qu'à 10-43 secondes, c'est une mesure de temps tellement petite qu'elle est à peine concevable. On pourrait presque dire que on est au temps zéro à 10-43 secondes. Qu'est-ce que c'est que cette limite et pourquoi est-ce que elle est posée par les lois de la physique? Alors, bon, c'est un peu une manière de parler. C'est-à-dire que quand on s'intéresse à ces modèles de Big Bang, et ça remonte déjà aux années 1930 quand Georges Lemaître a initié les premières versions de ces modèles, qu'on n'appelait pas encore comme ça, il a énoncé quelque chose de très simple, qui est que puisque il y a expansion, ça veut dire que la même quantité de matière se retrouve dans un volume de plus en plus grand. C'est exactement ce qu'on appelle une dilution, donc l'univers se dilue. En même temps, on sait très bien en physique que quand ça se dilue, ça se refroidit, il n'y a qu'à voir les réfrigérateurs, donc l'univers se refroidit. Et il est parti de ce constat, si le contenu de l'univers se dilue et se refroidit, ça veut dire que quand on remonte dans le passé, il était plus dense et plus chaud. Et plus on remonte loin dans le passé, plus il était dense, plus il était chaud, et finalement les modèles de Big Bang, ça n'est rien d'autre que de tirer les conséquences de tout ça en utilisant les équations de la relativité générale, mais de la physique atomique, de la physique nucléaire, de la physique des particules, pour tenir compte de tout ça. Donc, quand on reconstitue le passé de l'univers, en fait, on n'utilise pas le temps, on utilise la température, la densité. C'est-à-dire que quand on vous dit le découplage, la recombinaison dont on parlait à l'instant s'est passé à la date de 380 000 ans, c'est pas comme ça qu'on raisonne. Ce qu'on raisonne, la manière dont on raisonne, c'est en disant ça s'est passé à la température d'ionisation de l'hydrogène qui est, sauf erreur, de 1400 degrés. Donc ça s'est passé au moment où la température de l'univers était 1400 degrés. Et ensuite, on applique une espèce de chronologie reconstituée avec ce qu'on appelle le temps cosmique, mais qui n'a pas grand sens physique. Bon, pour les amateurs, un petit peu de pub. J'ai un bouquin qui va sortir qui s'appelle « L'âge de l'univers » où j'explique tout ça un peu plus en détail. Mais ce qui est important de penser, ce qui est important de comprendre, c'est que les notions de chronologie là-dedans n'ont pas tellement de sens. Et par exemple, quand on s'aperçoit que dans le récit des modèles de Big Bang, ce qui s'est passé, il s'est passé pendant la première seconde presque autant d'événements finalement que pendant les milliards d'années qui ont suivi. Donc, ça n'a pas tellement de sens, il vaut mieux parler en termes de densité ou de température. Et quand on fait ça, et quand on reconstitue les modèles de Big Bang de cette manière, on s'aperçoit que quand on remonte dans le temps, eh bien, au moment de la recombinaison, il va falloir utiliser la physique atomique. Si on veut aller encore plus loin dans le passé, eh bien, on a des densités supérieures, il va falloir utiliser la physique nucléaire. Quand on va encore plus loin, il va falloir faire appel à la physique des particules, parce qu'il fait tellement chaud et c'est tellement dense que même la notion de noyau d'atomes, elle n'existe plus. Il n'y a plus de noyau d'atomes quand on va très loin dans l'univers. Et puis, sans doute, il y a un moment, il faut aller encore plus loin, mais aujourd'hui, on ne sait pas quelle est la physique lorsqu'on dépasse une certaine énergie et une certaine température. Alors, on a des conjectures. Alors, quand on parle d'inflation, par exemple, on fait des conjectures sur la manière dont les champs quantiques peuvent se comporter dans un environnement d'espace-temps courbe et sur la manière dont ces champs quantiques peuvent eux-mêmes engendrer une gravité qui participe à la courbure de l'espace-temps. Quand on dit que l'expansion s'accélère, c'est un aspect de la courbure de l'espace-temps. Voilà, on est dans une physique, je dirais, très incertaine, mais où on pense pouvoir encore dire quelque chose. Mais si on essaye d'aller encore plus loin, là où la température est encore plus extrême, la densité encore plus extrême, ça veut dire que également, puisque la densité crée par l'intermédiaire de ce qu'on appelle la gravitation, la courbure de l'espace-temps, ça veut dire que la courbure de l'espace-temps également est très extrême, et beaucoup de physiciens pensent, et c'est Einstein qui a été le premier à penser, que dans ces conditions, il faut quantifier l'espace-temps lui-même, c'est-à-dire que l'espace-temps lui-même devrait relever d'une théorie que, évidemment, on appellerait dans ce cas-là gravité quantique, et qu'on ne connaît pas. Il y a des tas de gens qui, aujourd'hui, travaillent pour essayer de bâtir une théorie quantique. Il y a des pistes dont on parlera. Moi-même, j'ai travaillé sur une de ces pistes. Je ne pense pas que ça soit le résultat final, mais on explore, on essaye de faire quelque chose. Mais quand on remonte, quand on fait cette chronologie à l'envers, cette reconstitution à l'envers, on a de plus en plus de mal lorsque la température et la densité augmentent, et arrive un moment où on sait de toute façon que notre théorie n'est pas valable parce qu'on est incapable de prendre en compte à la fois la gravitation telle que la décrit la relativité générale et les phénomènes quantiques. Donc, on est modeste, enfin disons, certains sont modestes, et on va se dire, on ne sait plus, on va mettre une barrière à ce moment-là, qu'on va appeler l'ère de Planck, puisque Max Planck, c'est un des premiers qui a été à l'origine des idées de la physique quantique en 1900, et donc on va appeler ça l'ère de Planck, et on va se dire, de cette ère de Planck, on ne peut rien en dire, et quand on va parler des modèles de Big Bang, eh bien, l'histoire que ces modèles racontent commence à l'ère de Planck et finit aujourd'hui. Bon, et ça c'est en étant optimiste, puisque, comme je vous l'ai dit, même entre l'ère de Planck et aujourd'hui, il y a des questions comme l'inflation, les cordes cosmiques, les transitions de phase, l'existence de théories unitaires, qui sont des idées que nous avons qui sont spéculatives. Donc, même les premiers instants, disons les premières fractions de seconde après cette ère de Planck, où peut-être on a le droit de décrire la gravitation non pas de manière gravité quantique, mais de manière classique par la relativité générale, même dans ces périodes qui suivent l'ère de Planck, on est très incertain vis-à-vis de certains phénomènes. Hein. C'est, par exemple, voilà, notre controverse, François et moi, à propos de l'inflation, ça l'illustre, mais il y en a beaucoup d'autres, il y a des tas d'idées qui sont discutées. Mais en tout cas, voilà, pour le moment, c'est une sorte de barrière, non pas une barrière matérielle, mais une barrière conceptuelle. C'est-à-dire, c'est l'instant à propos duquel, et a fortiori, avant lequel on ne peut rien dire, on ne peut pas déclarer ce qui se passe, non pas parce qu'il ne se passe rien, mais parce qu'on n'a pas les outils. Quelquefois, je fais un petit parallèle. Imagine un historien qui essaye de reconstituer l'histoire de son village, et puis il utilise les archives, mais il s'aperçoit que les archives ont brûlé à la Révolution. Donc il n'a des archives que depuis la période de la Révolution jusqu'à aujourd'hui. Ça ne veut pas dire, évidemment, que l'histoire de son village a commencé à la Révolution, mais ça veut dire qu'il ne peut en parler, que son récit ne concerne que l'intervalle entre la Révolution et aujourd'hui. Ben pour le Big Bang, c'est pareil. Les modèles de Big Bang nous offrent un récit de l'évolution de l'univers à partir de l'ère de Planck jusqu'à aujourd'hui, mais c'est tout. Ce qui s'est passé à l'ère de Planck, et fortiori ce qui s'est passé avant, s'il y a un avant, on ne le sait pas. Alors évidemment, tous les gens qui font de la recherche d'une théorie de gravité quantique, qu'on pourrait appliquer à l'univers et qui deviendrait une cosmologie quantique, tous ces gens-là, ils ont des idées. Ils ont des idées spéculatives, mais ils ont des idées. Et c'est là qu'on commence à parler peut-être d'une ère pré-Big Bang ou d'un rebond quantique. Il y a des idées comme ça qui ont été avancées, et c'est... qui manquent de justification. C'est un peu comme l'inflation, mais... Voilà, ce sont des idées à propos desquelles on discute avec des arguments pour, des arguments contre. Ouais. C'est très actif, mais très spéculatif. C'est de ces idées dont on va parler dans quelques instants, dans la deuxième partie de l'émission, essayer de comprendre ce que sont les théories ou les spéculations que l'on peut faire sur ce pré-ère de Planck, si tant est que ça ait un sens de parler de avant un temps qui est quasiment le temps zéro. Mon corps se fond dans les vagues, lente, élégante, comme un rêve que je n'atteins pas. Plongeons dans un monceau noir. Hey. Je brûle, ça brûle d'amour pour toi. Hey. Ça de Charlotte Fever à 16h40 sur France Culture. Nous parlons de l'ère de Planck tout au long de cette heure en compagnie de Marc Lachaiseret, astrophysicien, théoricien, cosmologue, directeur de recherche émérite CNRS en astroparticules et cosmologie, et François Bouchet, directeur de l'Institut d'astrophysique de Paris et co-responsable de l'expérience Planck. Peut-être un mot, François Bouchet, est-ce qu'aujourd'hui on a les outils nécessaires pour décrire ce à quoi ressemblerait ou ressemblait l'univers avec les outils dont nous disposons au moment de l'ère de Planck, c'est-à-dire au dernier instant où l'on peut remonter et où les outils physiques sont opérants? Non, bien sûr. Donc, alors, en fait, ce qui se passe, c'est que, comme ça a été indiqué, plus on remonte le temps, plus on va vers des périodes où l'échelle d'énergie était conséquente, importante. Et donc, au cours de cette exploration, on peut se trouver confronté à des phénomènes nouveaux qu'on ne connaît pas. Puisque finalement, tout ce qu'on peut dire, c'est j'ai exploré la physique, par exemple, au CERN, et donc je sais comment ça se comporte, comment les particules se comportent dans une certaine échelle d'énergie. Il se trouve que quand on remonte suffisamment dans le temps, l'univers devient notre seul laboratoire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est en explorant l'univers, en explorant son apparence, qu'on confronte nos théories physiques et qu'on voit si éventuellement elles doivent être, nos descriptions des interactions fondamentales doivent éventuellement être complétées. Alors, de ce point de vue-là, il y a quand même deux régimes très différents. Il y a un premier régime de ceux qui sont quand même relativement modestes, qui explorent le régime où, en gros, la gravité reste décrite par la relativité générale et où, en fait, on explore s'il y a de nouveaux phénomènes quantiques. En gros, on essaye de voir si les différentes interactions, la loi forte, la loi faible, etc., comment elles se comportent. Est-ce qu'il y a des phénomènes nouveaux aux échelles d'énergie supérieures à celles qu'on peut directement sonder, par exemple, au CERN? Donc, il y a toute cette problématique-là et de ce point de vue-là, la nucléosynthèse primordiale ou même la théorie de l'inflation font partie de ces spéculations qui sont relativement peu spéculatives à comparer de l'étape suivante quand on remonte encore plus en énergie où cette fois la gravité elle-même doit avoir une description quantique et c'est à cette époque-là qu'on va l'appeler ça l'ère de Planck. Alors, Donc, encore une fois, l'exploration n'est pas du tout de même nature parce que la difficulté est beaucoup plus importante quand on essaye de se poser la question de la gravité quantique. Je voudrais rajouter d'autre part que le fait que l'univers, que pour décrire les premiers instants de l'univers, il faille absolument disposer de la gravité quantique n'est pas une obligation logique. En effet, certains collègues développent l'idée que dans une phase d'univers qu'on pourrait appeler pré-Big Bang, l'univers était dans une phase de contraction. Et en fait, dans cette physique qui n'est pas la gravité quantique, qui serait en fait la physique quantique, il y aurait suffisamment de ressources pour que l'univers ait un rebond et qui ne soit pas quantique. Et donc, en fait, la gravité quantique pourrait ne pas être nécessaire, y compris pour décrire les premiers instants. Mais encore une fois, ceci est très spéculatif. Il y a d'autres théories qui confrontent ça de manière assez directe, que ce soit la théorie quantique à boucle, la gravité quantique à boucle, pardon, ou les histoires de supercordes. Donc voilà, le point essentiel, c'est quand on remonte le temps, on remonte en énergie et on va et on explore, disons, notre connaissance des lois de la physique de manière de plus en plus poussée. Et finalement, là où ça devient le plus ambitieux, c'est quand on pense que toutes les lois doivent être décrites de manière unifiée, dans un seul cadre unifié, qui serait celui de la gravité quantique. Voilà. C'est ça. On va vous remettre aussi les liens vers des émissions que nous avions consacrées à cette question de la théorie du tout. On a beaucoup parlé à ce micro de supercorde ou de gravitation quantique à boucle. Mais effectivement, peut-être est-il l'heure de passer au reportage, puisqu'on l'a dit, et puisqu'on a dit qu'aucune physique ne peut décrire ce qui se produit en amont de ce mur de Planck, ça ne signifie pas pour autant que, comme vous venez de le dire l'un et l'autre, de nombreuses personnes, de nombreuses physiciennes et physiciens se creusent les méninges pour essayer de formaliser ce qu'il a pu se produire au-delà de cet instant initial. Et c'est à ce travail insoupçon ardu que vous êtes intéressé, Céline Dozen. Bonjour. Bonjour Nicolas. Oui, ce sont des travaux très conceptuels, mais qui proposent une méthode assez puissante pour tenter de comprendre ce qui se passe au-delà du mur de Planck et même encore plus loin. L'idée, c'est de combiner toutes les théories de gravité quantique existantes dans un seul cadre unificateur pour cartographier l'ensemble des états possibles de l'univers avant et après le rebond. Alors voilà, après, on se place dans un paradigme de cosmologie à rebond, selon le même principe que la cosmologie quantique à boucle. Bruno Le Floch a copublié une étude à ce sujet qui suggère que la notion même de singularité n'est plus à comprendre comme un commencement, mais bien comme une transition entre deux univers. Alors l'idée qu'on a eue, c'était de combiner ensemble tous les modèles de rebond cosmique, c'est-à-dire de comprendre quels sont les points communs entre tous ces modèles de rebond cosmique, sans se préoccuper du détail de ce qui se passe au moment du rebond. On essaye de voir ce qui se passe avant, ce qui se passe après, et de voir comment ça pourrait se recoller de façon cohérente, sans forcément comprendre le détail de ce qui cause le rebond lui-même. Mais on ne peut pas recoller n'importe comment. Peut-être qu'une façon de présenter les choses, c'est de dire que beaucoup de modèles de rebond cosmique sont faits avec un univers qui est complètement homogène, finalement. Donc on va faire des calculs concrets pour un modèle concret de ce qui se passe au moment du bounce. Ça, c'est ce que les gens font d'habitude. Et pour que les calculs soient faisables, il faut regarder un univers complètement homogène. Tandis que notre approche, ça a été au contraire de dire, on va regarder un modèle non homogène. Et ça, finalement, la façon dont les non-homogénéités, les inhomogénéités peuvent traverser la singularité, en fait, ça pose des contraintes supplémentaires sur les possibilités, même sans avoir besoin de dire exactement quel modèle on va étudier, que ce soit la théorie des cordes, la gravité quantique à boucle ou d'autres modèles de ce genre. C'est ce que je voulais savoir, parce que vous dites qu'on étudie ce qui se passe avant le Big Bang et juste après, mais à partir de quels moyens théoriques, sachant que les lois, on les ignore, qui sont en œuvre à ces époques-là? Oui, alors en général, on considère que les équations d'Einstein sont valides tant que la courbure n'est pas trop grande, tant que l'univers n'est pas trop recourbé sur lui-même. Et au voisinage d'une singularité, on approche une courbure quasi infinie. Oui, donc au voisinage de la singularité, on approche une courbure infinie, donc qui ne va plus être contrôlée par les mêmes équations. En revanche, il y a toute une période dans l'approche vers la singularité où on s'attend, donc pas tout à fait sur la singularité, mais un peu avant, où la courbure n'est pas trop grande, donc on s'attend à ce que les équations d'Einstein soient satisfaites. Donc il y a certains modèles de l'univers qui correspondent à dire on va avoir non pas un seul rebond, mais un univers cyclique, donc beaucoup de rebonds à la suite. Et on s'est demandé comment nos méthodes s'appliquaient à de tels rebonds cycliques, enfin de tels univers cycliques. Et pour étudier ça, on s'est intéressé à un cas très simple, qui est le cas de collision d'ondes gravitationnelles plates. Cette situation de qu'est-ce qui se passe quand deux ondes planes se cognent l'une contre l'autre. Et il se trouve que, au vu des équations en tout cas, il semblerait qu'il y ait la production d'un univers cyclique finalement, dans cette collision d'ondes planes gravitationnelles, qui serait un sous-univers en un sens de notre univers. Donc là, c'est une approche géométrique en quelque sorte. Oui, on peut dire que c'est une approche géométrique où on va dire bon, on a compris à quoi ressemblent les rebonds et on va le combiner, cette compréhension des rebonds, avec les équations qu'on connaît, des équations d'Einstein, et on va regarder la collision. Il se trouve que ça produit tout un espace-temps cyclique où on peut voir des sortes de bulles qui se produisent. Donc, En fait, on voit un quadrillage avec des sortes de bulles enflées qui sont plus ou moins régulièrement réparties. C'est ça. Donc, quand on a une collision d'ondes planes gravitationnelles, on va avoir formation d'un univers qui a des bulles successives, où à chaque fois que la bulle s'écrase, finalement, c'est un rebond cosmologique et qui va reproduire un nouvel univers et qui va se réécraser, reproduire, réécraser. Donc, il y a autant de bulles que de singularités ici. Il y a autant de bulles que de singularités, oui. Donc, c'est une structure qui est beaucoup plus élaborée dans ce contexte. On voit une structure beaucoup plus élaborée que la structure habituelle des espaces-temps cycliques. Et ensuite, ces autres morceaux vont s'écraser. Enfin, c'est successivement différentes parties de l'espace-temps qui s'écrasent et qui repartent avec un rebond cosmologique à chaque fois. Dans cette représentation, ces bounds coexistent ? On peut dire ça, oui. Les rebonds cosmiques coexistent. Enfin, il y en a beaucoup à différents endroits de l'espace qui peuvent produire des nouveaux espaces-temps. Et donc, un observateur, quelqu'un, ne pourrait pas aller de l'un à l'autre. Parce que, comment dire, la théorie mène à la production de beaucoup d'univers indépendants, finalement. Enfin, pas complètement indépendants, en fait. C'est-à-dire que c'est impossible d'aller d'un univers à un autre, d'une de ces bulles à une autre, mais que finalement, il peut y avoir des ondes gravitationnelles qui passent d'une bulle à une autre tout de même. Donc déjà, ça c'est un gros travail d'un point de vue de la théorie. Comment ces résultats que vous avez pu produire peuvent aider les observations, les missions spatiales ou d'autres travaux théoriques par ailleurs ? Donc si je les comprends bien, mes collègues cosmologistes, toute une difficulté, c'est de savoir expliquer les données initiales de l'univers. Donc comprendre pourquoi l'univers ressemble à ça initialement. Et en ayant classifié tout ce qui peut se passer entre avant le rebond et après le rebond, ça permet donc de savoir tout ce qui peut arriver après le rebond. Et donc, toute la question va être de savoir, y a-t-il parmi tous les rebonds possibles qu'on a proposés, des rebonds qui mènent à un univers très très plat. Il se trouve que dans notre classification des rebonds possibles, on a deux sortes de rebonds, dont une des sortes est isotrope, c'est-à-dire que toutes les directions sont pareilles. Donc ça pourrait donner une piste pour expliquer cet aspect de l'isotropie. Est-ce que ce qu'on fait explique aussi l'homogénéité et la platitude de l'univers qui sont en fait deux autres difficultés ? Ça, c'est loin d'être clair pour le coup. Voilà, une des nombreuses hypothèses qui cherchent à expliquer, ou en tout cas à trouver des pistes d'explication de ce qui peut se produire au-delà de ce mur de Planck. Peut-être une réaction, Marc Lachaisera, à ce que vous venez d'entendre ? C'est-à-dire que pour moi, il n'y a vraiment rien de nouveau, parce que, si vous voulez, c'est exactement ce qui s'appelle éluder le problème, dans la mesure où ces modèles à rebond... Ils sont assez fréquents, il y en a plusieurs, enfin, il y a plusieurs modèles, que ce soit la gravitation quantique en boucle, enfin... Et ce genre de problème, moi je me souviens, je le posais à mes étudiants en problème il y a 40 ans, qu'est-ce qui se passe dans un modèle à rebond si on suit les équations de la relativité générale ? Donc tout le monde a fait ça. Lorsqu'en 1960... Peebles et l'équipe de Dicker ont prédit l'existence du fond diffus cosmologique, c'était aussi dans le cadre de modèles oscillants, de modèles à rebond. Donc, tout ça c'est bien connu, la seule question c'est qu'est-ce qui crée le rebond ? Et il y a un théorème dû à Penrose et Hawking qui dit que si l'univers est en contraction et que, en gros, la matière est normale, c'est-à-dire s'il n'y a pas de gravité quantique, il ne peut pas y avoir de rebond. On aboutit à une singularité. D'ailleurs, je n'ai pas très bien compris le discours de la personne, parce qu'elle parle à la fois de rebond et de singularité, alors que c'est évidemment l'un ou l'autre. Donc, bon, peu importe. Mais Donc, si vous voulez, le seul problème des modèles à rebond, c'est pas de décrire le rebond et ce qui va se passer après, mais c'est, enfin si, justement, c'est de décrire quel est le phénomène physique qui échappe à la relativité, qui va permettre que ça rebondisse. Parce qu'encore une fois, la relativité, il y a un théorème qui vous dit qu'il n'y a pas de rebond. Donc, si on n'inclut pas des phénomènes de gravité quantique ou quelque chose comme ça, c'est clair qu'il n'y a pas de rebond. Or, imagine le passage de quelque chose, il y a eu des bouquins de science-fiction aussi disant ça, il y a des ondes gravitationnelles qui passent du pré-Big Bang au post-Big Bang ou des neutrinos ou quelque chose comme ça. Mais si on veut voir ce qui se passe, on ne peut pas le faire dans le cadre de la gravité quantique. Il faut exactement savoir ce qui se passe dans le rebond, c'est-à-dire il faut exactement avoir une théorie qui décrit le rebond, le processus du rebond, c'est ça qui manque. Mmh. Et là, c'est exactement ce qu'il évite de faire, donc je ne connais pas son travail, mais tel qu'il le présente, c'est évidemment éluder le problème. Mmh. C'est prendre toutes les possibilités possibles, si par exemple vous avez, si j'ai bien compris dans son cas, une onde gravitationnelle, et puis qu'est-ce qui peut sortir de l'autre côté ? Évidemment, on peut faire un inventaire, mais... Tant qu'on n'a pas une physique qui nous dit soit l'onde gravitationnelle elle est complètement amortie par l'air quantique ou elle est amplifiée par l'onde quantique par l'air quantique ou elle est simplement transmise, on a rien dit quoi. Donc je ne sais pas très bien le. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que les deux approches peut-être de la gravité quantique qui sont la gravité en boucle et les supercordes, si on peut dire que c'est une approche de la gravité quantique, toutes les deux prévoient, ou en tout cas prétendent prévoir, parce que c'est un peu compliqué à analyser, effectivement un rebond quantique. Mmh. Donc je ne sais pas si c'est parce que c'est un peu à la mode et ils se sont arrangés pour trouver ça, parce que ces calculs sont remplis de toute une série d'hypothèses qui sont très difficiles à justifier. Donc, pour le moment, je pense qu'on ne peut pas dire qu'on a une théorie, ni l'une ni l'autre de celles que j'ai citées, qui permettent de faire des prédictions fiables. Mais en arrangeant les choses, on arrive à retrouver ce rebond quantique qu'on avait peut-être envie de retrouver. François Boucher, rapidement, pour conclure, peut-être un mot, est-ce qu'il est envisageable, à un moment donné, d'obtenir d'une façon ou d'une autre des preuves observationnelles, c'est-à-dire d'avoir accès à quelque chose? Alors, on a bien compris que ce serait évidemment pas électromagnétique, puisque le fond diffus cosmologique, c'est la dernière trace que l'on, la dernière trace que l'on, ou la première trace que l'on peut avoir. Est-ce qu'on peut penser à des ondes gravitationnelles primordiales, à quelque chose d'autre qui nous donnerait des indices? Alors, pour conclure rapidement, l'intérêt de tous ces débats de théoriciens, c'est que peut-être un jour ils arriveront à faire quelques prédictions qui puissent être confrontées au réel. Parce que pour le moment, tout ça, ça court après. En fait, tout ce que ça cherche à faire, c'est être pas complètement en désaccord avec ce qui est observé. Mmh. On est encore très très loin de prédire des phénomènes nouveaux qui seraient des indices qui nous indiqueraient dans quelle direction aller. Alors, il y a quand même une petite exception à ça, il y a plusieurs exceptions, mais il y a notamment la détection d'ondes gravitationnelles primordiales. Alors, il y a deux régimes auxquels on peut penser. Le régime direct, c'est-à-dire celui où on observerait autour de nous, avec LIGO, Virgo, plus tard le satellite LISA. Alors ça, pour le moment, c'est un peu difficile parce qu'on est très loin des domaines de sensibilité qu'il faut, et il y a un bruit de fond qui est la coalescence des trous noirs, des étoiles à neutrons, etc. Et donc, ça va être très difficile. Mais on a une autre fenêtre qui paraît assez intéressante. En un mot pour finir, François Boucher, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Oui, je vais vous le dire. Allez-y. Une autre fenêtre qui est justement la polarisation du rayonnement cosmique de fond, dont certaines propriétés permettraient de mettre en exergue l'existence d'ondes gravitationnelles primordiales, qui serait naturellement une certaine manifestation de la gravité quantique dans une ère d'inflation. Donc là, on aurait une indication potentielle, et c'est à ma connaissance les meilleures indications qu'on pourrait avoir sur ces phases de très spéculatives. Voilà. Parfait, merci beaucoup à tous les deux. C'est un débat passionnant. Je pense que là aussi, ça mériterait que l'on y revienne peut-être sous un autre angle. En tout cas, merci beaucoup à vous deux, François Boucher et Marc Lachaiseret, d'être venus nous parler de ce mur de Planck. Marc Lachaiseret, vous disiez bientôt l'âge de l'univers. Ce sera publié quand et chez qui? C'est les éditions Humensis. D'accord. Et je ne sais pas si ça sort en février ou en mars. En tout cas, dans les prochaines semaines, on sera attentif à ça. Merci beaucoup à tous les deux. Un mot pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est également le jour un peu décalé des idées claires où nous essayons de répondre à la question soulevée par Avi Loeb. Moi, était-il un objet extraterrestre? C'est à trouver en podcast sur l'application Radio France et sur les réseaux sociaux de France Culture et de France Info. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. C'était Jean-Frédéric, c'est la technique aujourd'hui. Demain, en ces temps où le ciel gris pèse comme un couvercle, nous allons nous intéresser au soleil et plus précisément à l'énergie solaire, longtemps vendue comme la solution alternative aux énergies carbonées. Le solaire est-il lui aussi face à un mur? Ne tient-il pas les promesses qu'on lui attribuait? Réponse demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.